seul avec mon stylo. Je vais créer mon stylo. My niggas fait tourner des kilos. A coco, la tasse à l'écro. Ainsi que mon ego, y'a trop de bruit derrière. Désolé, c'est que mon écho. Tous libres, te mettre tous au cachot. C'est chaud, tu règles la loi du ghetto. L'héros, fais des erreurs. Ramène-moi tes euros. N'essaye pas de nous la faire à l'envers comme Zorro. Anti-super-héros, sors-moi ta plaque. Et je te sortirai un couteau. Y'a plus rien dans mon cerveau. J'suis méga. Tous les jours, c'est méga sur méga. Avec méga, les cris qui sortent en bas, toujours à poil. Ouais, ouais, ouais, toujours yégui. Avec méga, les cris qui sortent en bas, toujours à poil. Ouais, ouais, ouais, en bas, toujours à poil. Tu vas te faire saisir, ça fait pas saisir. Balance pas, tout ça craint pour ton avenir. Coup de patte dans les arcades, tu pas en mode novice. Comme Yoris, j'fais des parades. Le parade, le rap est crade, il a pris un coup de vieux. J'suis malade, mais fort et glorieux. Je m'impose parmi vous, pas de garde à vous, juste des à vous. Avec le frère, on est une meute de loup, in the wood. Le 44 à la ceinture, comme plus des soudes. Je dégaine le mic, tire sur la foule. Concert privé à Istanbul, au Tchekar, c'est soirée Gendoul. Ivre, mets la cagoule à ton tigre. Encore deux, trois couilles, et ensuite j'me tire, j'mets les voiles. Je me mets bien, ainsi que la mise. Ensuite, direction les îles. Oh, oh, des euros. Pour ça, pour entrer la marchandise au kilo. J'ai les couilles et les culots. Je m'écrase comme je rappe, toujours solo. Je vais péter les bas de ta sono. Insolent, arrogant, j'insulte les agents. Mais crache pas sur l'argent. 100 euros, je fais couler le sang. Alors les petites suceuses, on cherche le confort. Je rêve de dévaliser. Mon coffre fort, ça mettrait même pas sur la page de carrière. J'te jette dans le coffre, passe à autre chose. Les MC, toujours en pause, je m'impose. Pas ta seconde, accélère, crase la concurrence, ça fait classe. Hess en bas, c'est la hasse. Les frères, je prends la guerre, à zone, à des coups de chlasse. Pas l'ange, coup de grâce, pas de pouvoir. Je suis pas un traître comparé à certains. J'ai du mal à être ce que je veux devenir, pour ça que je reste sur le terrain. Sur le terrain, seul, et fier de l'être. Seul que de marcher avec des gens qui sautent m'envoyer dans un cercueil. Je cueille la vérité au seuil de l'éternité. C'est inutile de parler, juste une feuille pour m'exprimer. Si je mets une famille en deuil, je passerai autre chose au lieu de déprimer. C'est pas de ma faute, c'est le mal à moi, c'est imprégné. Ils veulent nous freiner, nous stopper. On n'a jamais roulé sur une toile, pourtant on est tous à bosser. Jalouse pas photo, critique pas photo. Tu crois meilleur et plus des autant photo. Change le temps, c'est la fin. Un manque d'argent, sur ta cagoule les bras de ce banc. La vie de nos jours ne fait plus dépendre. Toujours les mêmes discours, toujours les mêmes devants. Ce qui n'écoule plus le cours, quand tu chantes devant. Je prends du recul, prends mieux prendre de l'élan. Et fonce dans le tac comme un élan. Le rap est une tortue, il est toujours aussi lent. Le français, je peux le peur en verlan. Mais ça n'aurait aucun sens comme se ranger du côté de la France.